J'allume ma lampe sous un soleil rouge. Me mettre à rêver de ton corps qui bouge, qui bouge, qui bouge. Là je t'ai revu au bord de la plage et toi presque nu. Toi tout en nage, soudain tu m'as vu, tu m'as dit sois sage. Laissez mon téléphone, parce qu'en fait j'ai pensé qu'il fallait que je m'abonne. De ton air minoré, souviens-toi tu m'as dit ça. Là je t'ai revu au bord de la plage et toi presque nu. Tout en âge, soudain tu m'as vu, tu m'as dit sois sage. Tu m'as dit sonne, et bien me voilà, tout en bas de chez toi. Toi tu chantonnes, et mon téléphone résonne plusieurs fois. Lorsque tu m'as dit sonne, eh bien j'y ai pensé. Ça y est, abonnez-vous.